France Inter, franceinter.com. C'était le troisième ministre ou ancien ministre à périr de mort violente sous le septennat de Valéry Giscard d'Estaing. D'abord Jean de Broglie, assassiné sur un trottoir de Paris, puis Robert Boulin qui se serait suicidé dans un étang de la forêt de Rambouillet, et enfin Joseph Fontanet, tué en février 1980 au pied de son immeuble parisien. Trois morts et trois énigmes. Si on a retrouvé l'assassin du prince de Broglie et ses complices, les vrais commanditaires du meurtre n'ont jamais été formellement identifiés. Quant au prétendu suicide de Boulin, il n'a jamais convaincu ses proches et la minable affaire immobilière dans laquelle il était empêtré ne suffit pas à expliquer une éventuelle exécution. Enfin, Joseph Fontanet, un homme sans histoire, retiré de la politique depuis plusieurs années. Qui aurait pu vouloir le tuer? Et surtout, pourquoi? Les enquêteurs, après avoir suivi plusieurs pistes, suscitées par des revendications largement fantaisistes, et évacué d'autres hypothèses un peu plus sérieuses, ont fini par conclure au meurtre fortuit, l'aboutissement de l'errance mortelle d'une bande de jeunes dévoyés dans les rues de Paris. Identifiés, ces marginaux ont été arrêtés, emprisonnés, oui, mais les policiers n'ont obtenu aucun aveu, et surtout, ils n'ont pu apporter aucune preuve contre ces jeunes gens, même si, aujourd'hui, ils croient toujours à leur culpabilité. C'est pourquoi M. X revient sur cette affaire qui est peut-être plus mystérieuse qu'il n'y paraît. Chacun fait ses comptes, j'emmène au creux de mon ombre des poussières. Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. Les faits, d'abord, si vous le voulez bien. Dans la soirée de ce 31 janvier 1980, l'ancien ministre donne une conférence dans une commune du Val d'Oise. Conférence sur quel sujet ? Depuis qu'il a renoncé à exercer une activité politique, Joseph Fontanet se passionne pour l'informatique et l'aide qu'elle peut apporter aux élus locaux. Dans ce but, il a même créé la SODEREC, Société d'études et de réalisation pour les équipements collectifs. Mais on reparlera de cette SODEREC. Ça prouve qu'il n'a pas cessé de s'intéresser à la chose publique. Hein. C'est exact. Mais il n'a plus aucun mandat électif. En tout cas, après avoir donné cette conférence, Fontanet, accompagné de l'un de ses collaborateurs, rentre chez lui, boulevard Émile Augier, dans le 16e arrondissement de Paris. Il s'arrête devant son immeuble et avec l'aide de son passager, monte chez lui le matériel audiovisuel qu'il a utilisé pour sa conférence. Puis, il propose à son collaborateur de le conduire en voiture jusqu'à son bureau. Et quelle heure est-il alors ? Un peu moins de minuit. Un quart d'heure plus tard, Fontanet est de retour. Il gare sa R5 devant chez lui, verrouille les portières et regarde s'il n'a rien oublié dans le coffre. Et c'est à ce moment, alors qu'il soulève le haillon, qu'un coup de feu claque. L'ancien ministre s'écroule. Mais il a le temps de voir une auto qui file à toute allure. Une seule balle, donc. Hein. Et du gros calibre, on le découvrira plus tard, du 11-43. Ah, ça, c'est un calibre utilisé par les truands ou les tueurs professionnels. Hein. Certes, ouais. Mais ceux-là, en général, lorsqu'ils commettent un assassinat, omettent rarement de tirer une autre balle. Ouais, le coup de grâce. Ouais. En effet, pour s'assurer que leur victime est bien morte. Quoi qu'il en soit, si Joseph Fontanet est grièvement blessé, il vit encore. C'est ce que constatent les premiers témoins qui le découvrent à moitié couché dans le caniveau. Des témoins qui le reconnaissent aussitôt, car parmi eux, il y a la sœur et le beau-frère du chef de l'État. Ah, le Giscard d'Estaing. Un hasard ? Bien évidemment. Les secours sont aussitôt appelés, tandis que l'ancien ministre murmure « voiture, tirer ». Ce sont les seuls mots qu'il pourra prononcer avant de sombrer dans le coma. Les premiers soins sont prodigués sur place par le SAMU, puis Joseph Fontanet est transporté à l'hôpital. Mais après 30 heures de soins intensifs, il succombe. La balle, qui a pénétré dans la région lombaire et est ressortie au-dessus de l'omoplate, a causé des lésions irréversibles. Mais je me souviens, ce meurtre provoque une intense émotion. D'autant que c'est le troisième ministre de la Ve République, après De Breuil et Boulin, qui disparaît dans des circonstances dramatiques. Alors, avant de voir comment va s'orienter l'enquête, quelques mots sur l'homme. Et disons immédiatement que tous ceux qui ont approché Joseph Fontanet sont unanimes et le présentent comme un homme parfaitement intègre. Ouais, pas de magouille, pas d'affaires. Rien. Ouais. Mais paradoxalement, c'est peut-être cette honnêteté même qui lui a coûté la vie. Toutefois, je vous en prie, n'allons pas trop vite. Il y avait longtemps. Hein. Que voulez-vous, on ne se refait pas. Joseph Fontanet donc, est né en 1921 en Savoie. Et très tôt, ce croyant a milité au sein de la jeunesse étudiante catholique. Il a en même temps poursuivi ses études à Lyon, puis à Paris, HEC, doctorat en droit. C'est un brillant sujet. Réfractaire au STO, le service du travail obligatoire institué par Vichy à la demande de l'occupant, il rejoint un maquis de la résistance, puis réussit à passer en Afrique où il s'engage dans l'armée de Delattre. Et c'est aux commandes d'un tank qu'il participe à la libération de la France. Et ce n'est donc pas seulement un intellectuel. Et alors la politique, quand y vient-il ? Dès la fin de la guerre, il milite tout naturellement au MRP. Oui, la démocratie chrétienne. Hein, oui, oui. Et dès 1946, il n'a alors que 25 ans, il devient secrétaire général adjoint de cette formation. Une formation qui soutient le général de Gaulle, mais enfin, un petit peu du bout des lèvres. Hein. Certainement. Ouais. Mais Fontanet, lui, ne cessera d'affirmer sa fidélité au général. D'ailleurs, dès le retour au pouvoir de ce dernier, le jeune Fontanet est appelé au gouvernement. Entre-temps, il s'est fait élire conseiller général puis député dans son département d'origine, la Savoie. Une carrière, politique traditionnelle. Donc, une vie familiale sans problème. Ce catholique est aussi père de famille nombreuse, 5 enfants, je crois. Et pourtant, en 1962, il y a un petit accroc. Ouais, dans sa vie privée ? Non, dans sa vie politique. Avec d'autres ministres MRP, il démissionne du gouvernement parce que, européen convaincu, il n'a pas apprécié la petite phrase du général sur l'Europe du Volapük. Oui, pour le général, il s'agit de la confusion que pourrait entraîner la construction européenne. Oui, bon, toutefois, un peu plus tard, il rejoint sa famille politique après le départ de De Gaulle et il est nommé ministre du Travail dans le gouvernement de Chaban-Delmas. Et sous Mesmer, il sera ministre de l'Éducation nationale. Ah, c'est des postes importants, ça. Oui. Fontanet est un ministre qui compte. Et pourtant, tout le monde s'accorde à le dire. C'est un homme politique discret, très discret. Un ministre qui travaille, n'aime pas faire parler de lui et ne se met pas en avant. C'est pourquoi on dira de lui assez injustement qu'il était plutôt fallu. Ah oui, parce qu'il fréquentait pas assez les journalistes. Sans doute. C'est une espèce plutôt rare. Hein. Enfin, passons. En tout cas. Il procède à quelques réformes importantes. Sous Chaban, il institue le SMIC, puis la mensualisation des rémunérations des ouvriers. Puis en tant que ministre de l'Éducation nationale, ce fervent catholique introduit néanmoins l'éducation sexuelle dès la classe de 6e. Autre trait de son caractère, mais je l'ai déjà souligné, c'est la fidélité. Aussi quand en 1974, Georges Pompidou meurt, Fontanet choisit presque naturellement de soutenir Chaban-Delmas, dont il a été l'un des ministres. Oui, c'est Giscard qui gagne. Et ce choix malheureux mais courageux scelle la fin de sa carrière politique. Parce qu'il a suscité des inimitiés ? Vraisemblablement. Aux élections législatives qui suivent, il perd son siège de député et renonce du même coup au Conseil général dont il était président. Fin de sa carrière politique ? Oui, mais pas fin de sa vie publique. En 1977, il participe à une aventure très ambitieuse, la création d'un journal. Je me souviens, J'informe. C'est ça, oui. Ouais. Un quotidien qui se pose clairement en rival du Monde. Le Monde que la droite accuse de rouler ouvertement pour la gauche. Ce qui n'est pas tout à fait faux, au moins à l'époque. C'est juste. Au fond, les commanditaires de J'informe voudraient ressusciter le Temps, qui était avant-guerre le journal de référence. Journal de droite. Conservateur, oui. Ouais. Mais attendez, créer un quotidien, ça coûte très cher. Hein. Alors, il faut se poser naturellement la question du financement et de l'actionnariat. Cette entreprise ne pouvait que réjouir un certain nombre de grands industriels proches du pouvoir. Ouais, donc ils y sont allés de leur bol. Bah, évidemment. Mais Fontanet, semble-t-il, a surtout fait jouer ses amitiés lyonnaises. Toujours des grands patrons ? Bah, commencer par la famille Mérieux. Ah oui, les laboratoires. Oui, hein, et puis aussi un riche notaire, maître Louis Chêne, qui va accepter d'être l'un des principaux actionnaires du quotidien fondé par Joseph Fontanet. Cet homme de loi était dépositaire d'un vrai magot. C'est un magot, c'est-à-dire ? Bon, je vous explique. En 1974, en vue de l'élection présidentielle, où Jacques Chaban-Delmas représenterait le camp gaulliste, les militants de la région avaient réuni un imposant trésor de guerre. Et d'où venait l'argent ? Bon, à l'époque, bien avant les lois qui réglementent le financement des partis politiques, mais qui sont malheureusement souvent tournées, on n'était pas très regardant. Oui, regardant sur l'origine des fonds. Bien sûr. Alors ici, je voudrais faire un petit retour en arrière sur l'argent sale qui servait à faire vivre les partis. En 1974, dans une émission des dossiers de l'écran d'Armand Jameau, un magistrat lyonnais, président du jeune syndicat de la magistrature, fait une curieuse déclaration. Racontez. Eh bien, ce substitut, François Colcombet, déclare à peu près ceci, et c'est très troublant, je cite de mémoire, « J'espère que l'on n'apprendra pas que certaines opérations de grand banditisme ont servi à alimenter les caisses d'un parti pour ses campagnes électorales. » Et à quel parti pense-t-il ? Bon, il est évident pour tous ceux qui sont un peu au courant que ce magistrat désigne clairement le parti gaulliste et son épigone activiste, le SAC. Or, quelques années plus tôt, en 1971 exactement, une bande de gangsters particulièrement bien organisée et informée vient de commettre un des hold-up les plus sensationnels jamais perpétrés en France. France Inter, rendez-vous avec X. Avant de poursuivre, revenons un instant sur la personnalité de Joseph Fontanet. Jean-Marie Roire, qui n'était pas encore académicien, brosse son portrait dans le Figaro en 1971. S'il n'apparaît guère dans les sondages d'opinion sur la popularité des hommes politiques, ce n'est pas qu'on lui soit hostile, non. On ne le connaît pas. C'est là une gageure, surtout si l'on considère qu'il occupe le poste de ministre du Travail, de l'Emploi et de la Population et que ce ministère est celui qui joue le plus grand rôle dans la vie quotidienne pratique des Français. Il y a à cela une raison. Ce n'est pas un ministre à démonstration spectaculaire. S'il apparaît à la télévision, le public retient de lui une explication claire, une pédagogie simple, mais sans effet. Il n'y a pas de clichés à retenir. On ne le voit pas gravir les escaliers 4 à 4 comme Chaban-Delmas, jouer au golf comme Couve de Murville, en pull vert comme Giscard d'Estaing, ni même, pour éblouir un public plus raffiné, se livrer comme Edgar Faure à des gloses sur la dialectique hegelienne. Monsieur Fontanet est viscéralement hostile à la mise en scène. Le style bateleur de foire lui est antipathique. C'est là le fait d'un caractère et d'une conviction. Il est peu expansif. Il le reconnaît. Les Savoyards ne sont pas très démonstratifs. Cette réserve dans le contact personnel peut même faire croire à une certaine timidité. Elle disparaît en tout cas dans le débat public à la tribune de l'Assemblée pour la défense des idées en lesquelles il croit. Alors, ce hold-up, là, de quoi s'agit-il ? Rappelez-vous, la poste de Strasbourg, 11 millions de francs, des francs de 1971. Une opération parfaitement organisée et sans violence. Mmh. Oui, le commando de malfaiteurs était parfaitement renseigné. Hein. Vous avez raison de parler de commando, parce que les gangsters ont agi avec une précision toute militaire. Mmh. Bah oui, mais attendez, là, il me semble que vous vous éloignez un peu, là. Que vient faire Fontanet dans tout ça ? Ah, rien ! Bien sûr. Ah, bon. Mais laissez-moi poursuivre et vous comprendrez peut-être. L'enquête sur ce hold-up de Strasbourg et d'autres braquages de poste est difficile, car les types n'ont pas laissé de traces. Mais petit à petit, on regarde du côté de Lyon. Mais pourquoi, là ? Grâce à un informateur. Un indique, quoi. Oui. Ouais. Or, à Lyon, il existe un milieu très puissant et très efficace, si j'ose dire. Oui, c'est ce qu'on a appelé le fameux gang des Lyonnais. Hein. Ou l'autruche, c'est des personnages ou en couleur qui sont très liés au sac. Le service d'ordre gaulliste qui s'est peu à peu dévoyé, mon frère, qui a parlé. Oui, hein. Oui, qui a accueilli en son sein des truands notoires. Des gens comme Jean Auger ou Edmond Vidal qui, à l'occasion, donnaient un coup de main lors des campagnes électorales ou accomplissaient des tâches qu'on ne pouvait confier à des services officiels. Mi-truands, mi-barbous. C'est ça. Et la carte tricolore du sac leur permettait de mener leurs petites affaires en toute tranquillité. D'autant qu'en ce début des années 70, la police lyonnaise avait été affaiblie par une série de scandales. Il y a des ripoux, c'est ça ? Devenus proxénètes, par exemple. Alors, je reviens là à la déclaration du magistrat François Colcombet. Ce substitut a donc la quasi-certitude que les auteurs du hold-up de Strasbourg ont agi sur commande, qu'ils ont bénéficié de renseignements très précis, que leur fuite a été minutieusement préparée et qu'ils ont remis une partie du butin à ceux qui les avaient envoyés là-bas. Les commanditaires, là. Le SAP, non ? Et c'est aussi la conviction de l'homme chargé de l'enquête, le célèbre juge Renaud. Ah oui, celui qu'on a appelé le shérif. Oui, et vous le savez, en 1975, Renaud paiera de sa vie sa perspicacité. Alors, fermons provisoirement la parenthèse et revenons à ce que je disais, ce trésor de guerre constitué pour la campagne présidentielle du candidat gaulliste. Chaban-Delmas, en l'occurrence. Oui, il y avait donc les fonds apportés par de généreux donateurs et puis de l'argent beaucoup moins propre. Mais celui du hold-up de Strasbourg, par exemple ? Bah, il fallait aussi compter avec l'argent des fonds secrets. L'usage, plutôt douteux mais pas répréhensible, voulait qu'un premier ministre parte de l'hôtel Matignon en emportant des fonds secrets mis à sa disposition. Oui, alors, sans avoir à rendre de compte. Bien sûr, puisqu'il en usait à sa guise, sans aucun contrôle du trésor. Et je n'ai pas de certitude, mais je suis à peu près sûr que Chaban n'a pas agi autrement que les autres. Parce que lorsque Pompidou l'a viré en 1972, il devait déjà penser qu'il pourrait un jour ou l'autre être candidat à l'élection présidentielle. Mais, comme vous le savez, pour lui, en 1974, il n'y a pas eu de deuxième tour. Par conséquent, une partie de son trésor de guerre n'a pas été dépensée. Et il a été placé dans des banques ou chez Maître Chêne, par exemple. Ah, d'accord. De l'argent disponible, donc. Et parfaitement blanchi. Vous n'allez quand même pas prétendre que cet argent a servi à financer le journal de Fontanet. Et pourquoi pas ? L'ancien ministre, parfait honnête homme, n'était pas obligé de connaître l'origine douteuse des fonds qu'on lui apportait. Mais nous reviendrons sur ce sujet. En tout cas, ce pactole a attiré pas mal de convoitises. Et à mon avis, ça explique quelques-uns des événements dramatiques qui ont jalonné l'histoire lyonnaise dans ces années 70. Ça commence en 1975 par un enlèvement, celui du petit-fils de Charles Mérieux. Mérieux qu'on a souvent présenté comme le trésorier officieux des gaullistes de la région. Un homme richissime. Hein. Oui, et qui n'a jamais hésité à ouvrir son portefeuille lorsqu'il fallait. Donc, au mois de décembre 1975, le petit Christophe Mérieux, 8 ans, est enlevé sur le chemin de son école par un homme coiffé d'un casque de motocycliste qui le jette dans une voiture en stationnement qui démarre aussitôt. Les parents ne tardent pas à avoir des nouvelles des ravisseurs. Au téléphone ? Oui. Alors, il y a une demande de rançon ? Naturellement. D'abord 10 millions. Puis, quelques heures plus tard, c'est 20 millions. Bon, enfin, je vous passe les détails, mais 3 jours après, le père du gamin, après avoir suivi un vrai jeu de piste, verse la rançon et l'enfant est libéré. La police a donc laissé faire. Il était difficile de contrarier les Mérieux. Mm-hmm. Mais c'est la suite qui est intéressante. Je vous écoute alors. Assez vite, en écoutant les enregistrements des conversations téléphoniques entre la famille et les ravisseurs, les policiers identifient un truand local, un certain Guillot. Mais au lieu de le surveiller pour éventuellement repérer ses complices, la police l'interpelle prématurément. Et comme il répond au sobriquet de la carpe, il faut y compter sur lui pour dénoncer ses comparses. La carpe. Mais est-ce que cette arrestation prématurée, avez-vous dit, aurait pu être volontairement prématurée ? Pour couper le fil remontant au commanditaire, par exemple ? Ouais. C'est une hypothèse qu'on ne peut pas tout à fait exclure. D'autant que 2 mois plus tard, il se produit un fait très bizarre. Un deuxième gangster est logé, comme disent les policiers. Une souricière est montée. Logé, c'est-à-dire qu'on sait où il habite. Hein. L'homme ne peut donc pas s'échapper. Mais alors qu'il tente une sortie en voiture, les policiers mitraillent littéralement son véhicule. Ils ont peut-être agi en état de légitime défense. Hein. Non, ce type, un certain marin, n'a esquissé aucun geste agressif. En tout cas, celui-là, il ne parlera plus. Hein. Bon, alors, tirez-en la conclusion que vous voulez. À noter que ce truand était sans doute mêlé à l'assassinat du juge Renaud et qu'il aurait peut-être pu livrer des informations importantes sur cette affaire. Et puis là, j'en aurais fini avec ce kidnapping en vous disant que lors de son procès, en 1981, le premier truand a La carpe, là. C'est ça. C'est ça. La carpe, qui sortira provisoirement de son mutisme pour déclarer que la rançon était destinée à financer un parti de l'ancienne majorité. L'ancienne majorité, parce que maintenant, en 1981, ce sont les socialistes qui sont au pouvoir. Bien sûr, mais venons-en à un deuxième événement encore plus dramatique. En 1976... Jacques Chêne est PDG du Crédit Lyonnais. Il y a un rapport, ce Chêne, là, avec ce notaire dont vous avez déjà parlé ? C'est son frère. Ah, ouais. Au mois de mai 1976, Jacques Chêne est abattu devant le siège de sa banque à Paris, alors qu'il se trouve encore dans sa voiture. Le meurtrier, un illuminé, dira-t-on plus tard, se suicide aussitôt son forfait accompli. Et là, autre temps, j'ai l'impression que vous avez l'air de douter qu'il s'agit d'un illuminé. Pas vraiment, mais on peut toujours se demander si... Quelqu'un n'a pas armé la main de cet illuminé. Et puis, il faut bien dire qu'on n'a jamais sérieusement essayé de comprendre. La police. Et la justice. L'action judiciaire étant éteinte, avec la mort du meurtrier, on en est resté là. Toutefois, passons directement au troisième événement dont je voulais vous parler. 4 ans après ce drame, le gendre de Maître Chêne est enlevé. Les ravisseurs demandent une rançon de 5 millions de francs. Le notaire paie, contre l'avis de la police d'ailleurs. En tout cas, le gendre du notaire ne reparaîtra pas et l'affaire ne sera jamais élucidée. Et il me faut souligner que cet enlèvement s'est produit 2 mois seulement avant l'assassinat de Fontanet. Ouais, ça fait en effet beaucoup d'événements qui tournent autour de ces personnages qui, m'avez-vous dit, avaient quelque chose à voir avec le financement du parti gaulliste et ce fameux trésor de guerre. Alors, avez-vous une explication ? Je le pense, oui. À mon avis... Les voyous lyonnais devaient estimer, à tort ou à raison, que ce trésor de guerre, pour reprendre l'image que j'ai employée, leur appartenait, au moins pour partie. Et ils ont essayé par tous les moyens de le récupérer. Alors, poursuivons la démonstration. Si cet argent a servi à financer la création du journal de Joseph Fontanet, il n'est pas exclu qu'ils aient cherché à rentrer dans leurs fonds. D'autant que J'informe est un gouffre financier. Ouais, le quotidien sombre assez rapidement. Hein. Après 3 mois de parution, oui. Fontanet doit reconnaître son échec et mettre fin à l'aventure, fin 1977, exactement. Alors, vous croyez que ces voyous auraient pu se venger ? C'est une hypothèse qu'il ne faut pas négliger, même si la plupart des membres du gang des Lyonnais avaient fini par tomber. Pardonnez-moi, moi j'ai quand même du mal à vous suivre. Hein. Et l'enlèvement du gendre, de Maître Chêne, et son vraisemblable meurtre, puisqu'on ne l'a jamais revu, comment l'expliquez-vous ? Mais d'autres mobiles peuvent aussi justifier l'assassinat de l'ancien ministre. France Inter, Patrick Pénaud, rendez-vous avec X. C'est l'un des meilleurs connaisseurs de l'histoire secrète de Lyon, le journaliste Pierre Mérindol. Dans son ouvrage « Lyon, le sang et l'encre », il accrédite les propos de M. X à propos de ce fameux trésor de guerre. Même si des frais préliminaires avaient été engagés, il restait un important capital disponible, soit sous forme de stocks de papier destinés aux affiches, soit en compte courant ou en dépôt. Cette situation imprévue ne devait pas échapper aux « généreux donateurs », entre guillemets, qui, en ce qui concerne ceux qui n'étaient pas présentables, souhaitaient rentrer dans un investissement dont ils ne pouvaient plus espérer de rentabilité sous forme de prébende ou de protection. La redistribution de ces fonds ne devait pas se faire tout simplement parce qu'il était impossible de faire effectuer un circuit inverse à un trésor dont, honnêtement, on ignorait la provenance. C'est pourquoi les voyous qui ont un attachement particulier pour l'argent qu'ils sont allés chercher, toujours entre guillemets, se sont obstinés à récupérer un butin qu'ils n'entendaient pas perdre comme un vulgaire mauvais placement en bourse. Cette optique, qui n'est pas un jeu de l'esprit et a été mise en évidence par certains policiers clairvoyants mais prudents, permet de relier de façon enfin cohérente les principales affaires non résolues de Lyon. Tout d'abord, et parce qu'on le savait sur le point d'établir la part, même si elle devait devenir sans objet, que le milieu avait prise dans la campagne présidentielle, l'élimination du juge Renaud. Ensuite, parce que l'on savait qu'il était le ministre des Finances du RPR, le chantage dirigé contre Charles Mérieux à travers l'enlèvement de son petit-fils Christophe. Quels pourraient être les autres mobiles capables d'expliquer l'assassinat de Joseph Fontanet ? Un mot d'abord. L'ancien ministre démocrate chrétien a toujours été un adversaire résolu du SAC. Une position courageuse. Dans une région où, nous l'avons vu, cette organisation quasi-mafieuse était très présente. Oui, très puissante. En partie à cause des connexions entre policiers, militants du SAC et membres du milieu, oui. Et d'ailleurs, dans l'affaire dont je voudrais maintenant vous parler, on trouve aussi quelques personnages peu recommandables. De quoi s'agit-il, là ? Du casino d'Annecy, un établissement vieillissant qui venait de connaître de nombreux déboires. Pour quelle raison ? Son directeur avait été inculpé de fraude et une petite vingtaine de croupiers, de caissiers avaient été pris la main dans le sac. Oui, en train de tricher, oui. Oui, et puis je vous l'ai dit, le bâtiment n'était plus très jeune. Et la municipalité d'Annecy, propriétaire des lieux et des murs, avait décidé de le raser et de construire à sa place un ambitieux complexe de loisirs. Avec un casino ? Naturellement. Ouais, ouais. Un casino dont la concession, avant même la construction, était très convoitée. Annecy est en effet proche de Genève et pouvait espérer attirer une riche clientèle internationale. Ouais, et puis on sait, hein, un casino, ça peut rapporter gros. Et c'est bien utile lorsqu'on veut blanchir de l'argent. Enfin bref, cet établissement intéressait de nombreuses personnes. Et pas forcément du meilleur monde. Mais Fontanet dans tout ça, là. Je vous ai dit qu'il avait créé une société, la Soderec. Oui, une société qui avait pour vocation d'aider les élus locaux à gérer leurs finances et leurs équipements collectifs. Essentiellement. Ouais. Eh bien, c'est à cette société présidée par Joseph Fontanet que le maire d'Annecy voulait confier le dossier de son complexe de loisirs. Pour cet élu, c'était la garantie que le plan de financement serait établi en toute indépendance et que la maîtrise des travaux ne donnerait pas lieu à des versements de pots de vin ou de commissions illégales. Ou encore que la concession du casino serait attribuée en toute transparence. Non, mais ça, c'est autant de prérogatives qui devaient contrarier de nombreux intérêts. Hein. Or, justement, le 2 février 1980, Joseph Fontanet devait se rendre à Annecy pour signer le contrat avec le maire d'Annecy. Oui, mais il a été abattu la veille. Et il est difficile de ne pas y voir une fâcheuse coïncidence. D'autant que par la suite, ce casino connaîtra de nombreuses difficultés, incendies, menaces sur le personnel. Ce qui montre que les gens qui étaient intéressés par le casino étaient aussi prêts à employer les grands moyens. Et qu'un assassinat destiné à éliminer un gêneur ne leur faisait pas peur. D'ailleurs, un petit peu plus tard, nouveau fait troublant. Un ancien collaborateur de Joseph Fontanet sera attaqué et grièvement blessé dans une rue d'Annecy. Par qui ? Un jeune délinquant. Encore un illuminé ? Bon, écoutez, franchement, je ne sais pas. Mais je ne peux pas m'empêcher de trouver ça curieux. Cependant, est-ce que les enquêteurs ont suivi cette piste à du casino ? Bien sûr, mais ils ont entendu tous les cadres de la Soderec. Mais ils ont conclu que Fontanet, n'exerçant qu'une fonction de conseil, ne gênait personne. Ce n'est pourtant pas ce qu'elle m'avait dit. Hein. Vous m'avez posé une question, je réponds. Oui, d'accord. Donc la piste du casino n'a pas été suivie très longtemps par la police. C'est exact. Et après avoir méthodiquement éliminé toutes les tentatives de revendication du meurtre, de revendication fantaisiste. Ouais, comme toutes celles qu'on voit apparaître lorsqu'un homme connu est assassiné. Donc, après avoir effectué ce travail fastidieux, les enquêteurs ont fini par adopter la thèse du crime fortuit. Fortuit ou gratuit ? Sans mobile, oui. Comme dans le roman de Gide, Les caves du Vatican. Mais pourquoi en arrive-t-il là, alors ? Oh, pour une simple raison. Pour les policiers, ce crime n'a rien de professionnel. Et quoi, c'est l'absence de coup de grâce, là ? Quand même, pourtant, le calibre utilisé, tout le monde ne se balade pas avec un pistolet qui tire du 11-43. C'est vrai, c'est vrai. Alors, les types de la PJ imaginent aussi qu'entre le moment où il a raccompagné son collaborateur et celui où il est revenu chez lui, Fontanet aurait pu avoir une altercation avec un autre automobiliste. Ouais, ça ne ressemble pas au personnage que vous m'avez décrit. Hein. Bon, encore une fois, vous avez raison. Les enquêteurs reviennent donc à leur première idée, le crime fortuit. Ils en sont d'autant plus sûrs qu'on a observé dans la région parisienne plusieurs agressions parfaitement gratuites contre des automobilistes, des expéditions où des jeunes gens ont tiré sans raison sur des cibles vivantes. Et justement, des policiers vont arrêter les membres de l'une de ces bandes 2 mois après la mort de Joseph Fontanet. Le hasard ? Bon, il faut bien que de temps en temps, la chance sourie aux policiers. Alors cette bande-là ? Ils sont 5. 4 garçons et une fille, une certaine Thérèse, dite aussi Pupus. Et manifestement, c'est elle qui commande. Ces 5-là se sont connus en prison, et depuis leur libération, ils commettent ensemble plusieurs méfaits et se défoncent régulièrement. Et puis, c'est sans doute le plus important, ils adorent les armes. Or, lorsqu'ils sont appréhendés, l'un d'eux, Stéphane, a glissé dans sa ceinture un Colt 45, calibre 11-43. Ah oui, alors les policiers ont donc le sentiment d'avoir découvert les assassins de Joseph Fontanet. Évidemment. En plus, ils établissent que le jour même de la mort de l'ancien ministre, la bande à Pupus, comme on va désormais l'appeler, s'est livrée à une agression sur un automobiliste. Et ils vont ensuite récidiver à plusieurs reprises. À bord de voitures volées, ils prennent en chasse des automobilistes choisis au hasard et leur tirent dessus. Alors Fontanet aurait pu être l'un de ces automobilistes. C'est ce que croient les enquêteurs, oui. Et ils s'intéressent particulièrement au Colt 45 retrouvé sur Stéphane. Alors j'imagine qu'ils vont demander des expertises balistiques. Oui, c'est le célèbre professeur Secaldi qui procède à des tests comparatifs. Vous connaissez le système. On tire des munitions avec le pistolet et on les compare avec la balle qui a tué la victime. Mais dans le cas présent, Secaldi doit avouer son impuissance. En effet, le canon, sans doute de mauvaise qualité, s'effrite à chaque tir. Par conséquent, les rayures qui se trouvent à l'intérieur se dégradent. Peu à peu. Et les traces laissées sur les balles ne sont jamais les mêmes. C'est exact. Ouais. En outre, et sans vouloir contester la compétence du professeur Secaldi, il faut bien dire que la police scientifique française n'est pas à l'heure au mieux de sa forme. Elle a même pris beaucoup de retard sur ses homologues européennes et américaines. C'est pourquoi il est demandé une nouvelle expertise au laboratoire de la police criminelle allemande. Conclusion ? Négative. Les Allemands sont formels. Le Colt 45 n'est pas l'arme qui a tué Fontanet. Fin de piste. Les enquêteurs doivent en convenir. Toutefois, inculpés pour d'autres affaires moins graves, les membres de la bande à Pupus restent en prison. Et c'est là que Stéphane se serait confié à un co-détenu. Il aurait avoué le meurtre ? Oui, oui, mais le conditionnel est vraiment de mise, car nombreux sont les prisonniers qui se livrent à ce genre de dénonciation. Ouais, dans l'espoir d'obtenir une diminution de peine. Bien entendu. Ouais. Quoi qu'il en soit, on ne saura jamais la vérité, car Stéphane s'est suicidé dans sa cellule peu de temps après avoir fait cette pseudo-révélation. Comme on n'expliquera jamais pourquoi la villa de vacances de la famille Fontanet sera cambriolée à 4 reprises après la mort de l'ancien ministre. Et pourquoi, lors de la dernière fois, l'un des casseurs, arrêté par les gendarmes, se révélera être le beau-frère d'Edmond Vidal, le numéro 1 du fameux gang des Lyonnais. L'équipe de ces enquêteurs dont a parlé M. X était placée sous l'autorité du commissaire Leclerc, patron de la criminelle. En 2000, au terme d'une carrière bien remplie, ce grand flic a publié un livre de mémoire. Et à l'évidence, il ne partage pas les doutes et les interrogations de mon interlocuteur. La preuve dans ces quelques lignes. Et le casino d'Annecy ? Fontanet n'avait-il pas rendez-vous avec le maire de cette station le jour même de sa mort pour discuter du financement d'un projet de construction de complexe immobilier à l'emplacement précis de cet établissement en faillite ? Pour Pierre Mérindol, journaliste au Progrès de Lyon, il y a un lien évident entre la mort de l'ancien ministre et la faillite de ce casino. Celle-ci a conduit en prison pour détournement de fonds 15 employés, le directeur des jeux et le président de la société d'exploitation. Sans parler de la récente agression dont a été victime le gérant du cabaret de l'établissement. Il y a du règlement de compte mafieux dans l'air, c'est ce qu'il laisse entendre dans ses écrits retentissants. Mais le commissaire décrit un peu plus loin. À vrai dire, Mérindol a cherché à faire un scoop. Il le reconnaîtra sportivement qu'il s'agissait d'une spéculation intellectuelle de sa part. L'ouvrage du commissaire Leclerc, « De l'anti-gang à la criminelle » est paru chez Plon. À samedi prochain, je vous rappelle que sur franceinter.com, vous pourrez réécouter cette émission. Et puis, si vous voulez, vous pouvez la podcaster. Et je remercie, comme à l'habitude, mes collaborateurs Michel Billou, Rebecca de Nantes et Monsieur Djoub.